l'approche de Noël, je vis encore sous les décombres. En guerre contre Israël, mon peuple pleure sur les bombes qui tombent. J'ai que 12 ans et déjà orphelin. J'ai perdu mes parents, mes sœurs lors d'un raid anti-palestinien. Je vois des journalistes partout, mais très peu d'aide. Dans le monde, personne ne bouge, plus de 50 ans d'occupation conflictuelle. Mon école est détruite, je m'instruis au son des balles qui sifflent. Pendant qu'en Occident, ils mangent devant nos images génocides. J'entends les gens crier dehors, les chargeurs se vider. Les ruelles jonchées de corps et pour la paix, personne n'a d'idée encore. Aucune nouvelle maison que mes tantes. Vu qu'ici, le chétain se promène dans tous les sens, en permanence, la mort nous hante. J'entends les lance-roquettes, le bruit des impacts sur l'immeuble. Les gens crient, le prophète, l'air pollué par l'odeur de tous les deuils. Aujourd'hui, on m'enterre et sans cercueil. Un jour qui passe, c'est un pied de plus dans une guerre de souris aveugle. Sous l'œil de l'Occident, les peuples s'entretuent, des femmes et des enfants quand la violence accentue. Sous l'œil du monde entier, Palestine génocidée, ça fait kiffer les rentiers quand la paix est oxydée. Sous l'œil de l'Occident, les peuples s'entretuent, des femmes et des enfants quand la violence accentue. Sous l'œil du monde entier, Palestine génocidée, ça fait kiffer les rentiers quand la paix est oxydée. Moi j'ai 9 ans, je travaille dans les mines de diamants de mon pays le Zaïre pour aider maman. Je connais pas mon père comme tous mes frères. J'ai très peu la lumière, j'avoue que c'est parfois l'enfer. Je tape avec la pioche sur de la roche pour des gens riches. Si le quotidien m'amoche, c'est moche, je ne suis pas le plus triste. Un jour je trouverai le rubis qui nous sortira d'ici. En attendant, j'ai les mains usées par la vie. On en ouvre mais ferme les yeux. Un joyau qui brille sur le cou d'un bourgeois, c'est tellement mieux. Ma petite serait malade, aucun traitement adapté. Moi la seule balade que je fais, c'est des kilomètres nu-pied. À ce qu'on dit en Occident, les enfants vont à l'école jusqu'à 16 ans, ne suivent pas de colle ou encore leurs deux parents. J'aimerais tellement être comme eux, ne pas avoir à faire 15 heures par jour pour être heureux un jour ou deux. Sous l'œil de l'Occident, les peuples s'entretuent, des femmes et des enfants quand la violence accentue. Sous l'œil du monde entier, Palestine génocidée, ça fait kiffer les rentiers quand la paix est oxydée. Sous l'œil de l'Occident, les peuples s'entretuent, des femmes et des enfants quand la violence accentue. Sous l'œil du monde entier, Palestine génocidée, ça fait kiffer les rentiers quand la paix est oxydée.